chier, je sais même pas chanter. J'aimerais faire un buzz sur internet. Pour y arriver, va falloir que je trouve une idée. Choter dans un bébé, vomir et tout ravaler. Mettre un GSM dans un micro-ondes. Faire une danse débile tout autour du monde. Foutre des mentos dans du coca. Imiter un Jedi avec son sabre laser. Me foutre le feu et me propulser dans les airs. Courir à poil dans la rue. Non c'est pas possible, on a déjà tout vu. J'aimerais faire le buzz sur internet. Mais pour y arriver va falloir que je trouve une idée. J'aimerais faire le buzz sur internet. Pour y arriver va falloir me surpasser. J'avais trouvé une idée que personne n'avait jamais fait. Me filmer sur Mars pendant que j'ai la chiasse. J'ai envoyé mon projet à la NASA. Ils m'ont dit non ça coûte trop cher. Pour un petit caca, je ne ferai jamais de feu sur un...